Why are expectations so high? Is it the bar I set, my arms I stretch, but I can't reach? A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab squeeze, I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark I plummet, now the sky's blackening. I know the mark's high, but flies rip apart my stomach, knowing that no matter what bars I come with, you're gonna heart gripe, and that's a hard fight getting to swallow. So I scrap these as pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because I walk on water, but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes. It's the curse of the standard that the first of the Mathers disc set, always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless, and it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen, and pick it apart. Like, this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a god, this is retarded. If only they knew, it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not godsend. Nas, Rakim, Pac, Big, James, Todd, Smith, and I'm not Prince. I walk on water, but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes. I'm a Rubik's, a beautiful mess, at times juvenile, yes, I goof and I jest, a flawed human, I guess, but I'm doing my best to not ruin your expectations and meet them, but first, the speed em verse. Now Big Sean, he's going too fast, is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on, but the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades and the Dresden home is burnt to the ground and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone and it's time to wash out the blonde. Sales decline, the curtains drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind, and everyone who has doubt remind, now take your best rhyme, outdo it, now do it 1,000 times. Now let them tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. Cause how do I ever let this mic go without a fight when I made a fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though, I'll be fine. I won't pout or cry or spiral down or whine. But I'll decide if it's my final bow this time around. Cause I'll walk on. Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike, so me and Radio La 25ème, tous les jeudis, ciao, Jounes, 22h, minuit, Radio Sud.net, 101.8, yeah, on est de retour, c'est la 25ème, tous les jeudis soirs, 22h minuit, tu connais, Radio Sud 101.8 avec mon gars Jounès. Comment ça va mon gars? Ça va, tranquille et toi? Bah écoute, ça va, hein. Écoute, c'est les vacances, ouais. On se balade. Pas pour tout le monde, hein, pas pour tout le monde. Bah c'est les vacances pour moi en tout cas, je suis bien. Tu négliges. ouais, petite présentation de l'émission de ce soir. Donc ce soir en première heure, on va passer beaucoup de son locaux. Ouais. On va passer beaucoup de son locaux. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé les sons sur le mail asso25e@gmail.com. Donc on a pas mal de sons à balancer. Je parlerai peut-être un petit peu de l'actualité locale. Et puis après, en deuxième heure, on recevra Edinho qui viendra pour son émission spéciale. Et d'ailleurs, ah tiens, il y a Nas Pacino aussi qui est venu nous voir aujourd'hui. Il s'est installé autour de la table. Si. Comment ça va, Nassim? Ça va tranquillement. Hein, ça va, approche-toi du micro que tout le monde puisse t'entendre. Si, si. Donc Nas Pacino, on avait passé ses... On a passé un son il y a deux semaines. Hein. C'est ouais, ça. C'est ouais, on avait fait péter deux sons à toi. Et puis t'étais venu comme ça un petit peu en repérage. Donc Nas, il sera aussi avec nous ce soir. Il est passé un petit coup tranquillement. Voilà, il est dans le coin. À tout moment, il peut péra. Ça veut dire. Il peut lâcher un bail. Ah, il peut lâcher un bail. Ok, donc alors ce soir, on va commencer directement. On va balancer du son. Donc il y a Thanos qui m'a envoyé 2-3 sons. Il a sorti un EP qui s'appelle Fly, disponible depuis le 27, donc depuis hier. Une découverte. Découverte, c'est un MC qui est du coin, si je me trompe pas, il est de Belfort. Ouais, ouais. Il m'a envoyé le son Célébrité. Pour tous ceux qui veulent le retrouver, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, c'est simple, c'est Thanos officiel, tout attaché, THANOS officiel. Yes. Voilà. C'est parti, on s'envoie ça ou quoi? Vas-y, c'est parti. .00 Thanos non stopping, Thanos non stopping. Hey, hey, Thanos non stopping, Thanos non stopping. Ta célébrité j'en veux pas, juste laisse-moi rapper. Pourquoi tu parles quand tu ne sais pas? Mon enfance était vaine, nos pensées nous font mal. L'impression d'avoir tout raté, me suis pas j'ai la balle. Fais confiance, je vais la cadrer. Où est passé ton esprit? Pourquoi tu l'as fermé? Toutes les balances sont vesquies. Je suis mon seul allié. Ouais ouais ouais, ils nous ont menti. Je suis déçu et à vie. Des trahisons viennent d'armi. Depuis ma haine a grave grandi. Ouais. Pourquoi ma colère est née dès ma naissance, hein? Pourquoi depuis naguère je n'ai plus de chance? Parle-moi face à face, allez vas-y viens, viens. Tu racontes des mythos à politiciens. Rien qui veulent m'abattre. Ça me fait de la peine. J'en ai rien à battre. Je pense plus à la veille. Gros, plein m'écoute mais qui me comprend. Tu parles monnaie, moi content. J'ai les sentiments rouges sang. Je suis en cours, j'écris mes morceaux. Tôt ou tard je reviens d'en dessous. Toujours clean dans mes propos. Dans le rap mec tu te dissous. La solution où est-elle? J'en connais qui sont les CV. Tu te prends pour roi soleil. T'as la place de l'aiguiller. Ton talent c'est cuité. Crie gros si le jack passe pas. J'cours au mec je viens filmer. Et ta goga c'est champagne. La nuit porte conseil, mais je ne dors plus. J'attends jour de paix. Comme résoudre l'irrésolu. La nuit porte conseil, mais je ne dors plus. J'attends jour de paix. Comme l'amour inattendu. 25-2-00 Thanos non stopping, Thanos non stopping. 25-2-00 Hey, hey, hey, hey. Ta célébrité j'en veux pas. Ouais j'en veux pas. Hey, hey, 25-2-00 Thanos non stopping. Hey, hey, hey, hey. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yes, donc c'était le son de Thanos, célébrité. T'en as pensé quoi, toi, Juju? Bah écoute, moi j'ai découvert Thanos, je l'ai découvert la semaine dernière, je crois. Ouais. Et franchement, pas mal, hein. Il kick, hein. Ça kick. Ouais, il kick, il kick. C'est propre, hein. Je pense qu'il enregistre bien dans un bon studio, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Ça ressort bien. C'est très propre, mais bon, j'ai pas encore écouté tout son projet parce que, bon, moi j'ai Napster. Okay. Je l'ai pas trouvé sur Napster, tu vois. Ok, vas-y. Donc Thanos, soit tu m'envoies les pistes, soit je le télécharge illégalement, gros, hein. Donc Thanos, il va venir dans l'émission, on vous dira la date prochainement. Vas-y, je l'attends. On va enchaîner directement avec un son aussi qu'on a reçu cette semaine. Donc c'est TMK. Le son, il s'appelle Mama Madi. Si vous voulez le retrouver sur YouTube, c'est TMK. Son snap, TMK Off. Sa page Facebook, TMK. Et son Insta, TMK Officiel 99. Donc je vous balance ça. C'est parti, on est toujours dans la 25e. C'est pour toutes les mamans du monde. Rien n'est plus précieux qu'une mère. Dédicace à la mienne. Maman, je t'aime. Maman m'a dit, fils, vas-y, fonce, réalise tes rêves, mais va bosser. Faut payer le loyer, garder les pieds sur terre. Quoi qu'il se passe, respecte ton père, encaisse, mais ne te laisse pas faire. Marche droit, reste digne et fier. Perds pas espoir, garde en toi cette lueur. Pour réussir, faut passer par certaines labeurs. Dans cette vie, y'a des consignes, si tu les suis, elle te fera signe. Fais pas la triste mine, je te tendrai la main quoi qu'il arrive. T'as que 19 piges, t'as encore tout à vivre. Suis ton cœur, te laisse pas guider par tes peurs. Ce n'est pas grave si des fois tu pleures. Efface tes foutus rancœurs, protège tes petits frères comme si c'était tes sœurs. Ne trahis pas pour de l'argent, n'aie pas confiance en tous ces gens. Sois gentil et patient, reste quand même méfiant. Tu peux faire des erreurs, c'est comme ça qu'on a. Apprends, tu verras, ça risque d'arriver souvent. Maman m'a appris, m'a enseigné. Son amour n'a pas de prix. Elle m'a empêché de chavirer, je peux pas me confier. Face à elle, je reste muet, je l'ai souvent fâché. Je m'en voudrais à jamais, je lui dois le respect. Maman m'a appris, m'a enseigné. Son amour n'a pas de prix. Elle m'a empêché de chavirer, je peux pas me confier. Face à elle, je reste muet, je l'ai souvent fâché. Je m'en voudrais à jamais, je lui dois le respect. Je me souviens de ces moments où tu me disais Olum dit qu'à tête et n'en fais pas qu'à ta tête. Tu sais, faut pas vivre dans le paraître où c'est la merde. Mais je veux pas tes sales thunes. Arrête de vendre des barrettes, arrête de vendre des barrettes. Ne te sens pas nul, faut que tu te donnes un but en permanence. Je veux que tu luttes, surtout ne baisse pas ton fut. Sois reconnaissant envers les personnes qui pour toi verseraient du sang. Sois titulaire de ta life, n'en reste pas sur le banc. Bats-toi, garde la foi, n'écoute pas les soi-disant. N'oublie jamais d'où tu viens, rappelle-toi que t'as pas grandi dans la soie. Garde un mental d'acier, même si ça fait mal, fais preuve de sagesse et de courage. Traîne plus dans la tête, mais n'oublie pas qu'elle t'a donné la notion du partage. Pour y arriver, y'a pas de potion magique. Garde ta plume et va-toi avec ta feuille et ton stylo bic. Ouais, ton stylo bic. Maman m'a appris, m'a enseigné. Son amour n'a pas de prix. Elle m'a empêché de chavirer, je peux pas me confier. Face à elle, je reste muet, je l'ai souvent fâché. Je m'en voudrais à jamais, je lui dois le respect. Maman m'a appris, m'a enseigné. Son amour n'a pas de prix. Elle m'a empêché de chavirer, je peux pas me confier. Face à elle, je reste muet, je l'ai souvent fâché. Je m'en voudrais à jamais, je lui dois le respect. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ok, vous êtes toujours dans la 25ème. C'est pas ce que j'ai fait, voilà. Ça, c'est, on dirait un son de Schnee ou ça? Non, on dirait un son de Schnee. Dans le 9-1, je balance ma voix. Ouais, mais c'était pas du tout un son de Schnee, c'était okay. pas du tout la manip que je voulais faire. Ah, pas grave. Donc on était, excusez-moi, on s'est un petit peu perdu. On était avec le son de TMK, Mama m'a dit... Donc merci de nous avoir envoyé le son et puis un beau petit message d'amour pour toutes les mamans. Mm-hmm. Normal. On va enchaîner avec un son qu'on a aussi reçu cette semaine, c'est Ali Vécu. Donc je suis tombé sur son clip il y a quelques temps là, qu'il a tourné. Et je crois que c'est son premier son d'ailleurs. Ali. Donc si vous voulez trouver le clip sur YouTube, vous tapez Ali Vécu. Et son YouTube c'est Japon Street V1. Et son Insta c'est Ali-Vécu-. Voilà. On va vous balancer ça. Il faut juste que je retrouve la piste. Ali de Booba ? Non, je crois que celui-là il est plus jeune quand même. Ah, vas-y. Hein. Je crois que celui-là il est un petit peu plus jeune. Ali Vécu, c'est parti sur la 25e. Yeah. J'ai pas tout vu, pas tout vécu, vous m'avez vécu, j'étais déçu, jamais dessous, toujours dessus, auto. J'ai grandi, j'ai mûri, mais pourri, je dois souffrir. Et moi perso, ça fait sourire. Et juste devant, j'irai courir. Et loin de moi, l'envie de mourir. Et va savoir qui voudrait vivre. J'étais petit et j'avais rien. Et j'ai grandi et j'ai tout pris sur le terrain. J'espère mes mecs qui t'a dit qu'on était restreint. C'est moi qui pars avec le gunpain au final. C'est qui le gamin au final? C'est qui le gamin? Garde à vous, j'ai la daronne, j'ai avé, j'ai les congés. Mon cas s'est aggravé depuis que j'ai vu que ça bicrafait. Et trop d'été. 9 000 euros, frérot, je t'assure que j'ai ce putain de morale à zéro. Te crache dessus comme un caméléon. J'en viens en pleurant comme un putain de calimero. Je te fais la peau, pas de zéro. Pour cet été, je vais tout niquer. Ce que l'avait dit, je vais tout péter. Je m'en bats les couilles de ton pétard. Tu lâches bien, je me la fais tard. Frérot, tu te prends pour un fêtard. Tu vas finir dans le camtar. Et toi derrière, tu vas pleurer. Et moi devant, je vais rigoler. J'étais petit, mais j'ai compris que dans la vie, rien n'est gratuit. Combien veulent te faire souffrir et combien veulent te voir sourire pour le plaisir. Je vais sûrement rétrograder en regardant toutes tes pédales qui disent que si t'as besoin, ils seront là. Mais quand t'as besoin, personne n'est là. Et que tout le monde détonne comme des putains d'étoiles. Comme de l'éteinte, je regarde le ciel, je pense à eux. Et je me torture l'esprit à l'espoir de penser que les lignes de la réalité s'étaient exprimées. Une distance, une alliance, une confiance, une méfiance. Tu parles d'une pute qui t'a balance. Pour quelques grammes, il prend la lance. Pour lui, c'est juste une défaillance. Et le bonhomme, il est têtu. Pour des 20 balles, il s'est battu. Mais tu t'es couillé de sa parole. Il voulait tous les mettre d'accord. Sans désaccord, c'est bien ça qui me rend plus fort de jour en jour. Fini blanche-neige, j'ai cette nain. Y'a que quand t'as besoin, tu tends la main. J'suis paradin, j'étais paradin. Et l'endroit. Sur ce putain de vécu, comme sur ce putain de PQ. Entre quatre blocs devant le Glock, tu cours si vite que t'en as des cloques. Pour de la coque, tu prends les claques. Ramène ta clique, c'est tic et tac. T'as capté, tout est compté. Évite de compléter, cela va être pas complété. Le terrain, j'espère mes mains qui t'a dit qu'on était restreint. C'est moi qui pars avec le gamin. Au final, c'est qui le gamin? Garde à vous, j'ai la daronne, j'ai AV. J'ai les codes de mon cas, c'est pas gravé. Yeah. On dédicace à Derek. Force à toi la bif. Radio la 25e, tous les jeudis. Ciao Jounes, 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Yeah. C'était le son de Ali Vécu. Ouais, c'est la même merde. Les petits veulent faire le bifton. Grand frère m'a dit petit frère, la rue c'est pire que la prise. Yeah. Ça, c'était quel son ça? Ah, c'est une petite surprise. C'était pour annoncer, c'était pour annoncer la deuxième heure. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ben voilà, vous savez déjà qui est invité en deuxième heure. Mon doigt est parti trop vite. Voilà, c'est les aléas du direct. Tu vois, il y a la guibole folle, il y a le doigt fou. Ah là là, ok, merci pour ton intervention, Jounes. Bon, soyons sérieux, on va passer à la suite. Je vais vous passer un son de Farah, Phara, P-H-R-A, comme Miaous, donc je pense que c'est la référence à Pokémon. Phara, il fait partie d'un collectif de Mulhouse, de 5 rappeurs, un DJ, des beatmakers. Donc le collectif, c'est J-A-W, Jeune Activist World. Leur Insta, c'est Jeune Activist Way 68. C'est le J-A Gang. Voilà, donc c'est Phara, ils sont plusieurs dans l'équipe. Gang. Il y a Shoka et il y a pas mal de mecs. Voilà, je vous vois sur Insta, je vous vois, vous inquiétez pas. Merci pour les sons en tout cas, les gars. Donc, pour ceux qui viennent d'en dehors de Besançon, il n'y a pas de souci. Vous nous envoyez les sons, assola25e@gmail.com et on passe ça dans l'émission. Le son de Phara comme Miaous, c'est parti. Encore de la partie comme Miaous. Si tu ne tires pas, laisse-le dans la hausse. Génie parano comme Dr House. Pour me calmer, il faut de la couche. Ces bâtards sont stoppés au feu rouge. Je les fais camper sur la touche. Je suis l'arbitre, mets des cartons rouges. Ils font la street, mais l'ont dans la bouche. Encore de la partie comme Miaous. Si tu ne tires pas, laisse-le dans la hausse. Génie parano comme Dr House. Pour me calmer, il faut de la couche. Ces bâtards sont stoppés au feu rouge. Je les fais camper sur la touche. Je suis l'arbitre, mets des cartons rouges. Ils font la street, mais l'ont dans la bouche. Ya. Yeah. Des bonjours, je m'en bats les le, comme ça c'est dit. Tu fais le fou, je te monte en l'air, comme ça c'est fait. Tu brailles, tu t'agites, vas-y je t'en prie. En un coup de fil, te voilà en enfer. Ah mais le but, Choka Biggie, ici c'est Bresson. Pas de panique, Rico Skenga est dans la maison. Ne reviens pas tant que t'as pas réussi la mission. Toujours une longueur d'avance, mais des répercussions. J'aime agir seul sans prévention. Elle veut son coup, donc paye la caution. Je suis sûr de moi à 100%. Grosse bouche, grosse couille à 100%. Qui t'a dit que t'avais mon attention? Je prends toujours distance et précaution. J'aime agir seul sans prévention. Elle veut son coup, donc paye la caution. Sors de la partie comme Miaous. Si tu ne tires pas, laisse-le dans la hausse. Génie parano comme Dr House. Pour me calmer, il faut de la couche. Ces bâtards sont stoppés au feu rouge. Je les fais camper sur la touche. Je suis l'arbitre, mets des cartons rouges. Ils font la street, mais l'ont dans la bouche. Encore de la partie comme Miaous. Si tu ne tires pas, laisse-le dans la hausse. Génie parano comme Dr House. Pour me calmer, il faut de la couche. Ces bâtards sont stoppés au feu rouge. Je les fais camper sur la touche. Je suis l'arbitre, mets des cartons rouges. Ils font la street, mais l'ont dans la bouche. Ya. Yeah. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-sud.net. 101.8. Si. Chaud ce son. Ce son était lourd de fou. Ah, lourd de je voyais les têtes qui bougeaient. Les gens s'ambiançaient bien. C'est mon coup de cœur de la semaine. Attends, c'est pas fini. Pour l'instant. Calme-toi. Donc c'était Phara comme Miaous du collectif J-A-W. Quoi? Non, toi, non. C'est comme Ronflex, toi. Ah non, je sais pas. Pharah. Il est bizarre. Pharamineux. Voilà, merci. Ah, voilà. Pharaon, idiot. Kenza, Pharah. Bref, on va passer à la suite. La suite du son, c'est Ehud et Shoka. Donc Shoka, si je me trompe pas, il fait partie aussi du collectif J-A-W. Et Ehud, c'est un mec de chez nous qui navigue entre Besançon et Mulhouse. D'ailleurs, gros big up. Ehud, il sera invité aussi dans les prochaines semaines. Yes. Donc le son Ehud feat Shoka Ghost 3 Jubilé. Pour retrouver le clip, vous allez sur la chaîne Ehud 408. Voilà, il est sur la chaîne. Si vous voulez le retrouver sur Insta, Snapchat, pareil. Ehud 408. Ok, c'est parti. Ehud Shoka Ghost 3. J'ai jours, c'est les jours du jugement. Les résorts, on va jubiler. Hier, j'étais sur Jupiter, c'est pas moi, mais c'est l'agent, vous j'oublie l'aïe. Show labo avec Shoka, sur le drone en clip cause. 3 pétasses, n'est pas la choquer. 4-0-8, c'est pas Godam. Quand tu fermes les yeux, t'entends les tirs. Toujours armé, on s'entend au pire. Nous croiser tard les soirs, fumer la baie dans la bague mobile. La ligne dans la tête, pas du soda. Je sais, j'ai la finirai solo. Cicatrisé comme un soldat, il fait des flammes, ici des soda. Hey, ici, rien a changé comme à l'Ouganda, ça roule de gros tag avant la Lady Gaga. Ça triste, c'est qu'avec mes loups-garous. Je rentre seul, il me reste des cigares. Bourré, je vois la mêlée qui arrive. Viande descend en bas du garage. 4 et contre, je m'en bats les couilles, c'est loyal. Sous les manteaux, gros, j'ai 3 garages. Comme Azembe, je viens du Katanga. Adama sort les katanas. On sait qu'à tuer Kennedy X, Moulumba, Kadhafi ou Sankara. Grosse petite parle catalan, long beat comme le Reden Kakala. Au braquet, Awo, Bomi, Kuna, Novi, Nazon, Dimate, Katalaï. Ces fils des buts, tu trouves les ceintures noires. Nous, on opère comme la Gestapo. T'affiches ta vie sur tous tes réseaux, dessus sur ce napon, t'es fait un guet-apens. Ouais, Hugo, j'ai rap ce que je ressens. Je suis celui que je ressemble. Évidemment, René, j'ai chant. Y'a pas d'artifice, même en descente. Oh là là, oh là là, oh là là. Ces fils des buts, ils ont trop la rage. Ils s'acharnent à fouiller la sacoche. Pourtant, les JT étaient cachés dans l'ouarage. Trop chaud, pas besoin des boumaras. J'caille dans les phrases, faut de mon goût marrant. Fais pas les fonds, les toutes balaves. Après tout, tu mérites tout bâtard. J'ai rêvé les jours du jugement. Les résorts, on va jubiler. Hier, j'étais sur Jupiter, c'est pas moi, mais c'est l'agent, vous j'oublie l'aïe. J'suis au labo avec Shoka. Sur les drones en clip cause. 3 pétasses, n'est pas la choquer. 4-0-8, c'est pas Godam. Quand tu fermes les yeux, t'entends les tirs. Toujours armé, on s'entend au pire. Nous croiser tard les soirs. Fumer la baie dans la bague mobile. La ligne dans la tête, pas du soda. Je sais, j'ai la finirai solo. Cicatrisé comme un soldat. Il fait des flammes ici, c'est soda. Jérôme, il faut changer de continent. Des trois poteaux dans les bâtiments. Fiji, pas besoin de tes compléments. Sur les macaïa, bon monde, un peu de piment. Et où du ma, c'est qu'il faut faire. La ligne en gros, où on faut faire. Et qui est tagué dans les bâtiments. On va te sauter, personne sera au courant. Tu racontes de la merde, je pense toi. T'as consommé tout au poston. J'ai noté jambal comme grosse 3. Tout ta mouille dans ma gova. Un gros pilon même en gros star. Bitch est très sale, j'baise une pop star. C'est qu'elle fume, c'est du vrai comme RG. Baba qui n'a gagné des rockstars. Tu sais ce qu'il y a dans l'Olivier, je filme avec l'oseille, non, je querais le mal. Petit à petit, je prends l'avant, j'ai mis ma paire de vins, j'ai vécu ta femelle. Prochain de bébé caché sous la neige. J'ai mis l'ingas à poser toute l'année. Que la ligne grosse m'a consommé. Pour les pistes, on vit ça de l'année. Chérie, c'est les jours de jugement. Les biftons, on a fait des milliers. Actuellement dans nouveau continent, je comprends pas. Quelque part c'est trop bidon. Petite pute passe le biberon. Les sirops mélangés avec du citron. Dans la cinquochaine des mi-tonnes. Ramène de l'ammoniaque, c'est la pute trop. J'ai rêvé les jours du jugement. Les résorts, on va jubiler. Hier, j'étais sur Jupiter. C'est pas moi, mais c'est l'agent, vous j'oublie l'aïe. J'suis au labo avec Shoka. Sur les drones, on clip cause. 3 pétasses, n'est pas la choquer. 4-0-8, c'est pas Godam. Quand tu fermes les yeux, t'entends les tirs. Toujours armé, on s'entend au pire. Nous croiser tard les soirs. Fumer la baie dans la bague mobile. La ligne dans la tête, pas du soda. Je sais, j'ai la finirai solo. Cicatrisé comme un soldat. Ici, peu de flammes, ici, c'est Sodom. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Crac, Radio Sud.net. 101.8. Yeah, c'était le son de EO des Shoka, Ghost 3, Jubilé. Vous en pensez quoi, les gars? C'était pas mal aussi, hein. Ah, mais... bon, pour moi, c'est mon son, hein, celui-là. Non. Moi, j'ai bien kiffé. Je sais pas si t'as déjà vu le clip. Non, pas encore. Franchement, voir ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. D'ailleurs, big up à Ehud. Je crois que c'est Donatenkova, je crois, qui a fait le clip, il me semble. Donc, c'est un mec de là-bas aussi. Et pendant qu'on passait le son, il y a Edinho qui est arrivé. Si, si, si. Tuko qui est là aussi. Minso qui est là. Donc le studio se remplit petit à petit, ça fait plaisir. Petit à petit. On va continuer à passer des sons qu'on a reçus cette semaine. Donc là, c'est le son de Luffy de la Ballistique qu'on a reçu. Je crois que le son, il est tout frais. Il nous l'a envoyé. Donc c'est Choisi ta team. Si vous voulez retrouver tous les clips, etc. sur YouTube, c'est Luffy BLK. Ou la Ballistique, tout simplement. Son Insta, c'est LU-2-FY ou la Ballistique. Et son Snap, c'est LUFZZY25. Voilà. Bon, ben, on va faire parler la poudre indirect. C'est parti, Luffy, choisis ta team. Ouh! Oh, on écoute là? On écoute là? Envoie. plafond, y'a pas de galère. A 100 cas, je serai toujours le même. Ton cas sur devient adversaire. J'ai dû essayer, j'suis sûr qu'il m'aime. T'as beau faire de la boxe, faut des couilles balèzes. Un contre un, combien sont pas à l'aise. Quand même, on va pas te pétiner pour du ralas. Si c'est la seule solution, tu vas ramasser. Voir une masse, roule la camasse. Faut que tu montres leur vrai visage. Ça salit ton dos quand t'es pas là. Ils font ami, ami, c'est du maquillage. Mes petites soeurs font pas de mannequinat. Les parleurs me rendent mal luné. Je les tape passer une piñata. Banaf au beau char comme lunettes. Pas de chichi, mais des coups de clé à molette. Vide la caisse et remplis la mallette. En tant que tu tires même pas une latte. Y'a que dans ta tête que tu t'évades. J'ai fait le doute, j'ai mal peura. Tu sors ton pétard, tu m'atterras. T'as loupé ta chance, moi je la rate pas. Je suis ta team, gros. Renard barbu ou le beat chaud. Pour vous faire, on est grave chaud. On est grave chaud. Je suis ta team, gros. Le renard barbu ou le beat chaud. Pour vous faire, on est grave chaud. On est grave chaud. La balistique, on est là. Élu DZFYNGRTO. Gang. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Voilà, voilà, c'était Luffy. Il était grave chaud, hein. Choisis ta team. Ah, bah de toute façon, je crois que c'est la marque de fabrique, hein. Il était grave chaud, La violence. La violence. Big up à la balistique qui ont fait la première émission d'ailleurs avec invité. Donc on vous big up et puis dans quelques temps, je pense qu'ils pourront revenir quand ils auront des nouveaux projets. Bien sûr, c'est de la frappe. Bien sûr, c'est de la frappe. Tata les cordas. Alors ouais, je sais pas si je l'ai dit, mais il y a Théo 2S aussi qui est avec nous. Bon, là, il fait le serveur, il va au PMU à côté, il nous ramène des boissons. Merci, merci, c'est très gentil de ta part. La suite du son, c'est Assad Arigato, qui veut dire Jounes. Ah, je sais plus, gros, Sushi, Nem, voilà, Samouraï, tu veux dire ça. Tu vois, Nassim, il sait. Bien joué, Nassim. Dire merci. Arigato, donc son Insta et son YouTube, c'est Assad Lif, L-I-F. A-S-A-D-L-I-F. Donc je vous avoue que je connaissais pas du tout. Et franchement, vous allez voir, le son il est patate. Mais seulement là. Arigato. Alors... Balada qui a barrage, je vois le caillou sensei, je me demande c'est à qui la baraque. Perfect. J'apprends le kendo dans le bendo, sort des bafons comme un alligator. Arigato. Okami, watashi, okami, watashi, okami, watashi, okami. J'suis sur le poster de ta petite sœur. Je reviens plus fort et sauf freezer. Je n'ai plus d'état d'âme. Plane au-dessus de rail, delta plane. Ouais. Dis-moi mon ami, dis-moi mon avenir. Watashi, okami, watashi, okami. Sort des bafons comme un alligator. Arigato. Okami, watashi, okami, watashi, okami. Sors des bafons comme un alligator. Arigato. Okami, watashi, okami. Sors des bafons et saut alligator. Je veux de l'art en me donnant, donnant, demande, demande, mille, mille, arigato. Ini, mini, mani, mo, des méfaits, j'en fais, je ne veux pas de médaille. Ça me peut rendre dans mon sexe. C'est que ça que nouvelle fusion. Décide qui prendra décision. Yeah. Tu es tendu pour infusion. Sur tes tympans, je fais incision. Yeah. Un peu trop de fumée dans le bocal. Un peu trop de fumée dans la bourgogne. Sors des bafons comme un alligator. Arigato. Kame, watashi, okami, watashi, okami, wa. Sors des bafons comme un alligator. Yeah. Arigato. Watashi okami, watashi okami. Bouge de là, ouais, j'apprends les kanji. Non, de mon équipe, tu t'approches pas, c'est comme dans un kanji temps. Hein. Plus j'avance, plus je crache sur le mois d'avant. Hein. T'es plus toi-même quand tu touches à ces peu d'afghans. Ya, yeah. Mélange rose dans le gobelet bleu. Ça se joue à peu de choses. Transfo Saiyan 2. Psycho drop de beat, ils ne savent même pas quitter. Ils ne savent que brûler cette shit. Et non, je ne vais pas citer. Pourrais tous finir cette wow en toute légalité. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sors des bafons comme un alligator. Arigato. Kame, watashi, okame, watashi, okame, ya. Sors des bafons comme un alligator. Arigato. Watashi, okame, watashi, okame. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Arigato. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Arigato. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Crac Radio Sud.net. 101.8. Yes. Donc ça veut dire merci, hein. Voilà. Merci. Comment on dit merci en gaulais? Ah, je sais pas, faut demander à Théo 2S. Mais wesh, frère, t'es. Gaulais, ça existe pas, mon pote. Laisse-le, Eddy, ça le fout. Il croit que. Wesh, C'est vrai, Eddy, t'as pas le droit de l'aider, toi. C'est un fou, celui-là. Non, plus sérieusement, Assad, écoute, franchement, le son, il est. Moi, j'ai bien kiffé. Et si j'ai bien compris, tu t'enregistres, tu fais ton propre mix. Donc, big up, si tu nous entends. Big up. Oui, je parlais à Assad qui est peut-être en train de nous écouter. Écoutez. C'est vrai que je te regardais dans les yeux. Non, c'était lourd, bien vu. Finalement, c'est mon préféré de ce soir-là. Ok. C'est bon. Yes. Tu gagnes un chocobon. Tu gagnes un chocobon, Assad, si tu veux passer à la radio, on finit à minuit. Ok, avant de rebalancer quelques sons, je voulais parler un peu des événements locaux qui vont arriver dans les prochains mois. Donc j'ai fait ma petite recherche. Oui, parce qu'on prépare les émissions, on essaye, même si on est un peu des bordéliques. Alors, le 28 février, donc aujourd'hui, au Pixel à Besançon, donc pour ceux qui ne situent pas où est le Pixel, c'est un petit bar qui se situe au niveau de la Cité des Arts. Il y avait un DJ set Afro-Funk, Afro-Beat par Matt Black Voices. Donc, je tenais à faire un gros big up au Pixel. Je tenais à faire un gros big up au Pixel qui fait pas mal d'événements autour du hip-hop. Donc hip-hop dans sa globalité. Donc big up à eux et je n'hésiterai pas à relayer tout ce qu'ils font. Jusqu'au 15 juin, les jam sessions toujours au Pixel, Cité des Arts, organisées par le KM, l'école de musique de Planoise, un vendredi par mois, entrée libre au chapeau. Donc n'hésitez pas pour ceux qui aiment bien un peu le jazz, tous ces bails-là, venir avec ton instrument, jouer. Je crois même que des fois, il y a des micros si tu veux poser un couplet, tout ça. C'est lourd. Jusqu'au 24 juin, les lundis, atelier de danse au Cénacle. Donc le Cénacle au centre-ville, au niveau... Vieille Monnaie, exactement. Atelier de danse par MN Dance, donc c'est Mams Tal, pour ceux qui connaissent. Vrai danseur, hein. Vrai danseur, il a fait le World of Dance, il me semble. Voilà, il y a toutes les vidéos à l'appui pour ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux que nous. 18h, 19h15 pour les 8-16 ans, 19h30, 21h pour les plus de 17 ans. Ah, je peux aller, ça veut dire. Ça veut dire que tu peux aller, par contre, je sais pas s'il y a de la graille sur place, mon pote. Ah, je vais briquer du ventre. Donc, après, tu te mets en boule, tu roules. Ah, ça passe. Peut-être c'est un nouveau mouvement. Mams, j'arrive, lundi, voilà. Je suis là. Fais belé. Donc d'ailleurs si vous voulez le contacter c'est booking.mamstal avec deux L @gmail.com. Le 8 mars, donc dans une semaine, Shuriken, Faf La Rage, DJ Daz Dayam au QG Club à Besançon. Ancienne, hein. À l'ancienne, donc je sais pas trop ce que ça va donner dans une boîte, mais ça doit être... Pour moi Shuriken, l'album Où je vis, ça reste... Moi, ça reste ma référence d'album rap français, donc Shuriken. Ouais, mais ça, c'est plus des bails. Tu vas aller voir en concert, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Et après, à voir. Hein, ouais, voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne dans une night, hein, peut-être. Peut-être qu'ils ont changé. Hein, ils font peut-être des clubs, tout ça. On sait pas. Voilà. Donc, ça, c'était le 8 mars. Le 12 mars, pour ceux qui aiment bien aller au théâtre, il y a Kerry James qui vient à Vesoul, au théâtre Edwige Feuillère, je ne sais pas comment on dit, pour sa pièce de théâtre à vif. Donc moi, personnellement, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au théâtre. Assassine ? Voilà, donc je pense que Jounès ira. Je ne sais pas du tout le prix de l'entrée, donc je pense que selon le prix de l'entrée, Jounès, il ira ou il n'ira pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui aiment le théâtre, pour ceux qui veulent voir Kerry, pour l'avoir rencontré une fois dans ma vie, il est plutôt agréable. Voilà. Donc allez le voir sur scène. Le 23 mars, à Audincourt, au Moloko, il y a This is La Peste qui vient, avec en première partie Grand Singe. Donc Grand Singe, je crois qu'ils sont de Bezac. Et je crois qu'ils ont fait un clip au Musée des Beaux-Arts, il me semble. Voilà. Et le 30 mars, pour terminer le mois, c'est Maître Gims qui vient à Micropolis. Donc ça, ouais, voilà, hein, pour ceux qui aiment Maître Gims, hein, vous pourrez le voir en live. Le marabout. Tu vois, Jounes, tu vas voir Maître Gims ? Après, tu peux. Mais c'est quoi le son que t'as mis en fond, là ? En fond, j'ai mis Zaki, 30 balais. Ah ouais. Avec la voix de Taïgaz au refrain aussi. Si, je me disais bien que ça m'était familier. 2014. Ouais. Très lourd. C'est vrai. Big up Taïgaz, repose un peu, mon frère. Ok, donc, 22h40, pile poil. Regarde, on est pile poil dedans. Non, c'est bon, c'est bon. Avant de balancer le reste du son, je te laisse nous mettre un petit jingle le. Tu le veux comment ? Je le veux ben, comme d'hab, là, tu sais, la sauce NEM, là. Ok. Ça, je le trempe dedans. Vas-y, arigato. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Donc là, vu qu'on a Théo 2S qui est là avec nous. Mais qu'est-ce qu'il fait au juste ? Théo 2S nous a envoyé un son. Hein. Ah. Donc, j'ai décidé de le mettre dans le programme d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y en aura un deuxième. Tu verras un peu plus tard. S'il y a le temps. Parce que... Ouais, s'il y a le temps. Bah, ouais. Si, surtout si c'est le tien, je pense qu'on le coupera. Parce que c'est bon, on t'a assez vu. Toi. Ouais, bon. Donc, Théo 2S, Chao, donc je ne sais pas qui c'est. Et Alex, donc c'est notre ami Kenry de New York. Le son, on l'a fait il y a un an. Il est sur YouTube. C'est All Around the Globe. Donc, c'est un extrait. C'était un américain, là, quand tu as parlé, là ? Ouais, j'ai essayé. C'est vrai. Bon, après, il y a un petit, tu vois, on fait ce qu'on peut. Extrait de En Fumette, le projet en streaming de Théo 2S. Il y a 1000 streams. Hein. 1000 streams. T'es à 49 000 du coup du... Du disque d'or. Ah mon gars. Ah, ça fait deux fois deux semaines, il l'a place. Il a pas de pitié, ou non. Non, mais c'est la légende. Force, Théo 2S, force. Force, force. Donc, vous pouvez retrouver tous ses clips sur sa chaîne YouTube. Théo 2S, donc Théo comme le prénom, 2S, D-E-Z-E, 2S. Ouais, il serait temps que tu changes parce que c'est compliqué. Et, ouais, voilà. Ok, merci Théo 2S. Merci, super. Ciao. Et sur son Insta, Théo2S-du-bas officiel. Donc je vous balance ça. C'est parti. Je me réveille, l'impression que tout se répète. Et j'ai du mal à croire que le bonheur est éphémère. Je regarde le temps passer depuis la fenêtre. On vit les mêmes galères à des milliers de kilomètres. Je suis né en France, papa est venu du bled. Je pourrais pas tout résumer en un couplet. Je ferme les yeux et je me repose sur l'appui-tête. Je suis d'ici et d'ailleurs, mais je suis pas là pour vous plaire. Enfant de la patrie, mais mon sang vient d'Asie. Je suis partagé entre deux mondes, tu sais, mon rêve c'est pas facile. En bas de l'échelle, jeune gosse de la Tessie. J'aime trop ma ville, mais si possible, dès que je peux, je me barre d'ici. L'histoire de mon pays, c'est pas les Qataris. Après la guerre, y'aura la pêche, pose avec un quinri. J'y vois plus clair, j'suis dans ma galaxie. Au-delà des frontières, s'il va rester noir ici. Dès que je peux, je me barre d'ici. Sur le chemin du destin, j'ai perdu ma boussole. Je m'évade en musique quand toutes les portes sont closes. Lost my shoes, I don't have a soul. Evil people all around the globe. Sur le chemin du destin, j'ai perdu ma boussole. Je m'évade en musique quand toutes les portes sont closes. Lost my shoes, I don't have a soul. Evil people all around the globe. You're bugging me, buddy. Busting my chops about these bitches and money for you're a sellout. I wanna yell out. Ahead to meet me, keep your head up. All this heart, I'm fed up. Hope tomorrow will let up this oppression. What I felt is helpless to counteract selfish patriarchy. The cocky jockey regime is over. Counterculture, organic agriculture, corn syrup in the water. A little too much sulfur. I think it's the Coca-Cola that's giving me this Ebola. Brainwashed American Rothschild. My real estate broker on the border. Of Tel Aviv, these children know not about Israeli terrorism on the strip of Gaza. Educate us not on how to help the pop. We're all atoms and particles, a part of a whole. That's what I read in an article, so. We're all atoms and particles, atoms and particles. que pour le plaisir. Je veux pas être connu, je veux de la monnaie, range-moi ton buzz si t'es pas un Ronnie. Que pour le sexe, t'espères que ça dure. Tu veux remplir ton assiette, prends dans celle des autres et à la fin tu vomis. Hey, je crache dans le chromie depuis petit, j'ai taffé. Ça tes acquis ont du jazz que t'as pas fait. Oui, mon rêve t'a gaffé. Quand t'as vu le pif, t'as rien fait. Dans ce monde d'affamé, faut que tu te serves car personne va te rincer. Ouais, je fais tout à l'instinct. Ils se prennent tous pour des stars, mais n'ont pas d'inspi. Alors invente des histoires. Non, je suis pas un ancien. Au fond, je suis comme toi. Je mise tout sur le destin en le forçant des fois. Regarde dans mes yeux, Alfego. Je vise la lune de Marseille puis Mino. Passe le temps en fumette au studio ou en ville, ça rentre dans Clio. Je viens de Sivarès à 1100 km. Chaque année, j'y vais pour reprendre un peu d'air. Je pense à mes rêves du Vietnam, je constate. On se retrouvera tous autour d'une prod et d'un texte. Oh. Sur le chemin du destin, j'ai perdu ma boussole. Je m'évade en musique quand toutes les portes sont closes. Lost my shoes, I don't have a soul. Evil people all around the globe. Sur le chemin du destin, j'ai perdu ma boussole. Je m'évade en musique quand toutes les portes sont closes. Lost my shoes, I don't have a soul. Evil people all around the globe. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Yeah, c'était le son All Around the Globe. C'est bon, je l'ai bien dit. Théo 2S, Ciao, Alex. Extrait de Enfumette, toujours disponible. Et vous pouvez retrouver le clip sur internet. Pourquoi tu souris? Ah non, je t'écoute. Ouais, voilà. Merci. Je t'écoute. On continue le son avec Fano Driver feat Farah. Donc toujours du collectif JAW de Mulhouse. Donc pour rappel, leur Insta c'est Jeune Activiste Way 68. Collectif de Mulhouse, 5 rappeurs, un DJ et des beatmakers. Donc je vous balance ça tout de suite. Après, on passera un dernier son et je pense que ce sera l'heure des dignos. Voilà. Pour ceux qui l'attendent. Vous inquiétez pas, ça arrive. Yes, c'est parti. Fano Driver feat Farah. Je baisse mes rivaux, tous ces bâtards sont dans le caniveau. J'suis dans la gova avec Fano, le gang est dans le vaisseau. Encore une fois, je baisse mes rivaux, tous ces bâtards sont dans le caniveau. J'suis dans la gova avec Momo, le gang est dans le vaisseau. Envoie ma bouteille de l'île que je flex. Pas de sentiment ici que du sexe. Cette salope pour le monde, j'en suis relax. Les métaux sont plus sucrés que des glaces. Envoie ma bouteille de l'île que je flex. Pas de sentiment ici que du sexe. Cette salope pour le monde, j'en suis relax. Les métaux sont plus sucrés que des glaces. Avant l'oseille, y'a la mif. Après la mif, y'a le blé. Bang bang dans le squat. Une rafale pour toutes tes têtes. 130 barbares, c'est l'adresse. 130 bamous, c'est l'équipe. J'irai pas ce que j'ai fait, j'irai pas ce que j'ai vu. Tu me parles de faire des tours de la tête. Monte dans la gauve, on fait le tour de la France. Ma belle va, tu sais que je suis sous répondeur. Mon wifi, contacte-moi sur WhatsApp. Se barre au soleil quand le fric est fait. C'est Dieu qui donne, je te trouve vraiment bizarre. Se barre au soleil quand le fric est fait. C'est Dieu qui donne, je te trouve vraiment bizarre. Encore une fois, je baisse mes rivaux. Tous ces bâtards sont dans le caniveau. Je suis dans la gauve avec Fano. Le gang est dans le vaisseau. Encore une fois, je baisse mes rivaux. Tous ces bâtards sont dans le caniveau. J'suis dans la gova avec Popo. Le gang est dans le vaisseau. Envoie ma beauté de ligne que je flex. Pas de sentiment ici que du sexe. Cette salope pour le monde, j'en suis relax. Les métaux sont plus sucrés que des glaces. Envoie ma beauté de ligne que je flex. Pas de sentiment ici que du sexe. Cette salope pour le monde, j'en suis relax. Les métaux sont plus sucrés que des glaces. Dis-moi le feu, j'suis toujours ouvert. Elle veut avoir les jambes en l'air. Vos têtes sont trop terre à terre. Tu fais trop rire, je crois que tu fais peur. Dis-moi le feu, je suis toujours ouvert. Elle veut avoir les jambes en l'air. Vos têtes sont trop terre à terre. Tu fais trop rire, je crois que tu fais peur. Mon but c'est de faire du bif. Moi c'est ton bol que je kiffe. Du rouge à cause du shit. Je veux qu'on se m'arrondit mes chiffres. Mon but c'est faire du bif. Moi c'est ton bol que je kiffe. Du rouge à cause du shit. Je veux qu'on se m'arrondit mes chiffres. Encore une fois, je baisse mes rivaux. Tous ces bâtards sont dans le caniveau. J'suis dans la gova avec Fano. Le gang est dans le vaisseau. Encore une fois, je baisse mes rivaux. Tous ces bâtards sont dans le caniveau. J'suis dans la gova avec Popo. Le gang est dans le vaisseau. Envoie ma beauté de ligne que je flex. Pas de sentiment ici que du sexe. Cette salope pour le mon joint, je relax. Les métaux sont plus sucrés que des glaces. Envoie ma beauté de ligne que je flex. Pas de sentiment ici que du sexe. Cette salope pour le mon joint, je relax. Les métaux sont plus sucrés que des glaces. La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Donc c'était Fano, Driver, Fit Farah, Collectif JAW de Mulhouse. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'aimes bien? Tu préférais l'autre? J'ai préféré le premier. T'as préféré après, le premier. Ils ont essayé, hein. Ils ouais. essayent. Après, faut tout, hein, tu vois. Si, si. J'ai si, préféré si. Le premier. Après, c'est aussi pour tous ceux qui nous écoutent, que tu fasses du rap depuis 20 ans, que tu fasses du rap depuis un mois, que tu fasses du rap, que tu fasses même pas du rap, franchement, tu peux nous envoyer tes sons, ton son, il passera un jour ou l'autre dans l'émission, il n'y a pas de souci. C'est quoi ton concept? Si je fais pas de rap, je t'envoie quoi comme son? C'est ce que je me demandais. Je sais pas, si t'es un DJ, par exemple, okay. Si t'es un beatmaker, ouais, oh. Ah ouais, culture urbaine, les gars, culture c'est urbaine. C'est ma reine, mais va t'envoyer un son, oh, pas calmez-vous, monsieur Jounes, pas les mamans. Pas les mamans, le soir, comme ça, c'est pas bon. Ok, pour terminer, on avait ouvert avec Thanos. Thanos, pour rappel, qui a sorti son EP Fly depuis hier, le 27 février. Donc on va terminer avec Thanos et après on enchaîne directement la deuxième heure avec Edinho. Donc Thanos, le son qu'on va passer, c'est Cette Époque. Si vous voulez le retrouver sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, c'est Thanos officiel, THANOS officiel, tout attaché. Bon bah c'est parti hein. Des années que la technologie s'expande dans ce monde de merde. Des hommes avec intelligence artificielle et valeur. Les gens bien se perdent, les gens se plaignent. Les gens parlent, mais les gens se peignent. Dans l'extrême, vas-y, la terre se meurt. Et toi, qu'est-ce que tu dis de ça? Je dis que ton fils s'en sert pur. Va vite, taille la vite, ouais, mais je veux le doigt où ça fait mal. Où la victoire est loin, ouais, l'évite pas. C'est quoi ce monde? Non, je ne sais pas. Je vois des hommes avec l'esprit qui s'accrochent au port. Réveille-toi, eh hey, gros, tu fais quoi? Ta femme te regarde pendant que tu zones sur le portable. Port d'armes effrayées quand ça m'effraie. Quand j'y pense, le dark web c'est violent. C'est tentant, mais surtout malaisant. Mec, wow, tu m'entends? Mais non, tu ne m'écoutes pas. Quelle est cette époque, dis-moi? Quelle est cette époque, dis-moi? Je vis la corde au cou, mais je n'ai plus trop le choix. Quelle est cette époque, dis-moi? Quelle est cette époque, dis-moi? Où t'es passé mon pote, je vois tout tes tweets et je te vois pas toi. Quelle est cette époque, dis-moi? Quelle est cette époque, dis-moi? Je vis la corde au cou, mais je n'ai plus trop le choix. Quelle est cette époque, dis-moi? Quelle est cette époque, dis-moi? Où t'es passé mon pote, je vois tout tes tweets et je te vois pas toi. Plus l'homme évolue, plus je le sens comme grave dépassé. Sur ce texte, mets-toi à nu, tu verras qu'on est comme dans le passé. On est comme dans le passé, ça tu le sais, ça tu le ressens. On devient nos propres bourreaux, plus proches des réseaux que nos parents. Mais l'état nous regarde, mec, tu m'as capté. Plus y'a de moutons dans ce monde, plus l'homme va acheter. Tu veux nous achever, pirate nos Samsung. Tu nous vois teubés et totalement fous. Hey, y'a ceux qui possèdent mais y'a ceux qui vont créer. Et y'a ceux qui se plaignent, mais y'a ceux qui vont se contenter. Et y'a ceux qui possèdent, mais y'a ceux qui vont créer. Et y'a ceux qui se plaignent, mais y'a ceux qui vont se contenter. Ils nous parlent de chaînes, énergie 12 ou France 3, télé, tablette, faites-nous des esclaves, et rien qu'on s'esclave, enfin c'est ce qu'on croit. La tête jaune sourit, mais non ce n'est pas le cas. Quelle est cette époque, dis-moi, quelle est cette époque, dis-moi, je vis la corde au cou, je suis comme esclave de tous ces médias. Quelle est cette époque, dis-moi, quelle est cette époque, dis-moi, où t'es passé mon pote, je vois tout et tout, que je te vois pas toi. Quelle est cette époque, dis-moi, quelle est cette époque, dis-moi, je vis la corde au cou, je suis comme esclave de tous ces médias. Quelle est cette époque, dis-moi, quelle est cette époque, dis-moi, où t'es passé mon pote, je vois tout et tout, que je te vois pas toi. Bien oui, évidemment, on... Un des avantages du smartphone, ce sont les notifications. C'est cet aspect, moi, que j'appelle ce régime de l'alerte. Il y a un régime d'attention, justement. Ouais. Vous êtes en permanence en alerte. C'est un grand bénéfice. Et si vous n'avez plus que ce régime d'attention, évidemment, il y a un problème. C'est-à-dire que vous devenez prisonnier, et on appelle ça un peu, Ivan Illich appelait ça effectivement, cette espèce de monopole technologique. Au bout d'un moment, vous devenez captif de cela. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Si. Donc, c'était le son de Thanos, cette époque. Pour rappel, Thanos viendra sûrement au mois d'avril, si je me trompe pas. Ouais. Il y a Ehud aussi qui est prévu au mois de mars. On a écouté les sons. Il y a, ben, en fait, je sais pas, je préfère pas donner tous les blazes qui viennent. Pour ceux qui nous ont sur Instagram, c'est là que tout se passe, tout est relayé sur Instagram. Émission la 25e, sans accent, sans rien, tout attaché. Vous pourrez tout retrouver là-bas. Donc je vous donne tous rendez-vous sur Insta. On a lancé aussi notre chaîne YouTube. Donc c'est émission la 25e aussi. Pour ceux qui avaient écouté l'émission de la balistique. C'était quand il y a 2 semaines, donc on a mis un petit extrait et puis on alimentera la chaîne au fur et à mesure. Big up à Gra qui nous fait les vidéos, big up à tous ceux qui de près ou de loin participent au développement de l'émission, parce que pour ceux qui savent pas, nous c'est tout neuf, ça fait pas un mois qu'on a commencé, que ce soit la radio, que ce soit les montages vidéo, tout ça, on n'avait jamais trop fait avant. Voilà, donc on va passer dans la deuxième heure, l'émission spéciale Edinho. Donc Edinho est là, est-ce que tu peux nous dire un petit truc au micro juste pour voir si je t'entends bien ou pas? Tu m'entends ou pas? Ouais, nickel, c'est bon. Nickel. Vas-y. Comment ça va, Edi? Ça va, calme, hein, et toi? Bah ouais, pépère, écoute, je te vois beaucoup là ces temps-ci, entre... ton taf, entre le basket, entre une petite chicha. Eddy, je voulais faire quelque chose avec toi parce qu'on a voulu le faire avec la balistique quand ils étaient là, mais on a eu un petit souci avec l'enregistrement du podcast. Vas-y. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire un semblant de jingle? Donc je vais demander à Jounès de nous repasser le jingle. Et puis dès que le jingle s'arrête, je sais pas, tu dis j'en sais rien, moi, tu présentes l'émission en 2-3 mots, et puis nous, on pourra se servir des pistes, tu vois, pour nous refaire des petites jingles. Jounès, est-ce que tu peux nous mettre le jingle, s'il te plaît, Bogos? Sucré. Sucré, Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Vas-y, poteau, branche-toi sur la 25e, mon gars. Ok, attends, calme-toi. Moi, j'en vois la sauce, mon pote. Ouais, mais c'est vrai que t'étais bien, dedans. Ouais, mais essaye d'attendre. Essaye de nous le faire a cappella comme ça. Vas-y. Ah, tu veux que je te le fasse là comme voilà, ça? Voilà, comme ça, direct. Vas-y, mon pote, branche-toi sur la 25e, poteau, on est là. Si. Big up, Eddy. Donc, Edinho, ce soir avec nous. Yes. Edinho, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, s'il te plaît? Alors, YouTube, premier réseau YouTube, Edinho-238 sur Instagram.